Michée chapitre 6. Écoutez maintenant ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide par devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, écoutez-le aussi, vous qui êtes les plus fermes fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, et il plaidera avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait, ou en quoi t'ai-je causé de la peine, réponds-moi. Car je t'ai fait remonter hors du pays d'Égypte, et t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, qu'il te souvienne, je te prie, quel conseil Bala, roi de Moab, avait pris contre toi, et de ce que Balaam, fils de Béor lui répondit, et de ce que j'ai fait depuis Sittim jusqu'à Gilgal, afin que tu connaisses les justices de l'Éternel. Avec quoi préviendrai-je l'Éternel, et me prosternerai-je devant le Dieu souverain? Le préviendrai-je avec des holocaustes, et avec des veaux d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir aux milliers de moutons, ou à 10 000 torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel requiert de toi, sinon que tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la bénignité, et que tu marches en toute humilité avec ton Dieu? La voix de l'Éternel crie à la ville, car ton on voit comme il bat de tout, écoutez la berge, et celui qui l'a assigné. Chacun n'a-t-il pas encore une maison de méchants, des trésors de méchanceté, et un épha court, et détestable? Tiendrai-je pour net celui qui a de fausses balances, et de fausses pierres à peser dans son sachet? Car ses riches sont remplis de choses ravies par violence, ses habitants usent de mensonges, et il y a une langue trompeuse dans leur bouche. C'est pourquoi je t'ai rendu languissante en te frappant, et te rendant désolé à cause de tes péchés. Tu mangeras, mais tu ne seras point rassasié, et la cause de ton abaissement sera au-dedans de toi-même, tu ôteras de devant, mais tu ne sauveras point, et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras point, tu presseras l'olive, mais tu ne toindras point d'huile, et le mou, mais tu ne boiras point le vin. Car on a gardé les ordonnances d'Onri, et toute l'œuvre de la maison d'Achab, et vous avez marché dans leurs conseils, afin que je mette en désolation et en opprobre ceux qui habitent en elle, et que vous portiez l'opprobre de mon peuple.